de poule. On l'avoue, y a pas que des lumières. Bien qu'il n'y ait que des têtes d'ampoule, pour tout vous dire la vraie misère. Sur le parking, ça joue aux boules. Ça bataille pour le moindre petit point. Y a même Michel qui me saoule en me disant que ma boule est plus loin. Cabaret des voleurs de poules, on irait jusqu'au petit matin, à siroter du jus de chouille. C'est vous dire si on est malin. La moindre petite chose qui nous chamboule, et c'est la faute à De Villepin. Alors lui, comme tête d'ampoule, il est servi, ça c'est certain. Cabaret des voleurs de poules, il n'y a que des femmes de marins qui au bout trois mots te foutent les boules, comme chaque dimanche devant Jacques Martin. Et moi dans toute cette foule, c'est bizarre mais je m'y sens bien. Tant de champions ça me dessoule, mais je m'en rappellerai plus demain. Au cabaret des voleurs de poules, on y a vu un pet de ta mère qui sur le parking jouait aux boules pendant que Michel disait leur bière. Alors lui c'est le roi des voleurs de poules, de toute la bande c'est le père. Il compte aux jeunes sa vie trop cool en sifflant des airs libertaires. Au cabaret des voleurs de poules, c'est pas là qu'on rencontre l'âme sœur, car il n'y a que le montant qui roule à contresens, mais quel bonheur. Le vent de l'amitié nous foule, il y est doux comme le vin de Bragérac, celui qui coule dans nos veines et dans nos chagrins. Et oui, au cabaret des voleurs de poules, c'est la maison de tous nos frères. De Périgueux jusqu'à Vesoul, c'est le tour de France des gens sincères. Ce qui croit encore que les ampoules qui peuplent tout les lampadaires sont comme des lumières sans fioul qu'on ne trouve que chez les antiquaires. 8, 12! Au cabaret, au cabaret, au cabaret, au cabaret! Des voleurs de poules, des voleurs.